ces choses imprévues, ces vérités un peu floues, petit cœur un peu fou, tu les avais voulu. Tu as l'appétit d'un géant pour tout apprendre et tout comprendre. Moi j'en ai manqué si souvent pour rester fragile et tendre. Parfois je n'ai pas bien vécu, il y a des rêves que je n'ai pas eus. Toi tu possèdes la terre entière, tu ne connais rien à la misère. Laisse-moi songer à tes côtés, nous ferons fondre les cœurs d'acier. Tout sera comme un mirage, tout sera à ton image. Ce clavier éreinte, qui es-tu donc, enfant? Qui es-tu donc? Donne-moi le temps. Tu n'as jamais de mauvaise nuit, tu n'es pas de ceux qui ont fui. Qui es-tu donc, enfant? Qui es-tu donc? Donne-moi le temps. Tu as l'appétit d'un géant pour tout apprendre et tout comprendre. Moi j'en ai manqué si souvent pour rester fragile et tendre.